Chapitre 9. Dans un des salons tendus de merveilleuses soieries vénitiennes, la duchesse de Staldiff avait réuni autour d'elle ses invités d'âge mûr. Cette pièce étant voisine du salon de musique, il pourrait d'ici jouir entièrement de l'audition que devait donner la jeunesse musicienne d'Hawker Park, en ce moment occupée à échanger les costumes de polo pour une tenue plus élégante. Le duc et Lord Lowestead s'arrêtèrent dans le premier salon, tandis que Magali, suivie de Freddy, se dirigeait vers la pièce voisine pour préparer le piano. Lord Archibald se trouvait là, occupé à examiner une guitare. Il salua Magali avec un empressement respectueux. « Voilà une grande après-midi de musique qui se prépare, me semble-t-il, Miss Zolté. »« Allez-vous nous jouer de la guitare, Milord ?» demanda Magali en riant. « Hein ! Devant un tel public, je n'oserais. J'en gratte un peu dans l'intimité, » dit-il modestement. Et, comme preuve à l'appui, il tira de l'instrument quelques sons étranges. « Ciel, Archie, qu'est-ce que cela ?» s'écria Lord Othil, qui apparaissait au seuil du salon en compagnie de Lady Isabelle et de Lady Anne d'Othil. « Prétendez-vous donner à Magali un échantillon de votre talent, Milord ?» dit Lady Isabelle en éclatant de rire. « Vous allez déchirer ses oreilles de musicienne, soit dit sans vous offenser. » Lord Archibald ne put retenir une légère grimace. Mais il était un excellent garçon, fort peu susceptible, et il convint aussitôt sincèrement. « C'est vrai, Milady, je ne suis pas très fort en musique, et Gérald m'a déjà dit souvent que je ferais fuir tous les chats de Londres. » « Et quel air sombre, mon très cher !» Ces mots s'adressaient au duc qui entrait. Un grand pli de contrariété s'était en effet formé sur son front, toute sa physionomie témoignait d'un mécontentement difficilement réprimé. « Je suis furieux contre cette folle de Lady Magdolé, » dit-il avec impatience. « N'a-t-elle pas imaginé de se faire inviter par ma mère avec cette jeune Américaine qu'elle patronne dans l'aristocratie anglaise ?»« Miss Etty Ludler, la fille du presque milliardaire ?»« Oui, c'est cela. La connaissez-vous, Archie ?»« Je l'ai vue cette année à Londres pendant la season. » Une jolie personne, très élégante, qui ne cache pas son intention d'acheter avec ses 20 millions de dot une couronne de duchesse. « Eh, mais tout s'explique. Vous lui offrirez la vôtre, Gérald !» s'écria en riant Lord Dorwilly. Un sourire d'inexprimable dédain entr'ouvrit les lèvres de Lord Gérald. « Elle pourra en chercher une autre, car celle-là n'est pas à vendre, » dit-il avec un mouvement de tête altier. « Mais il est vraiment désagréable de voir introduire dans notre cercle cette étrangère, une parvenue de fraîche date dont le grand-père ramassait des boîtes de conserve vides dans les rues de New York, dont le père a commencé sa fortune dans la préparation des ingrédients destinés à remplir des boîtes semblables. » Quel mépris orgueilleux vibrait dans son accent. Magali eut une sorte de bref serrement de cœur. Cependant, ce même homme, si dédaigneux, si fier de sa haute origine, venait de se montrer délicatement bon pour Freddy, et, même à son égard, il n'avait pas conservé l'attitude très distante des premiers jours, mais lui témoignait, avec seulement une nuance de réserve plus accentuée, les égards respectueux qu'il rendait à ses égales. Les autres jeunes hôtes du château entraient, à la suite de Lady Ophelia et de Juliane de Volberg, la petite cousine et filleule de la duchesse de Staldiff, une brune et pâle jeune fille à l'air langoureux, à l'âme sentimentale et poétique. Ce n'était un mystère pour personne que la duchesse désirait ardemment voir son fils épouser la jeune comtesse, mais sous l'affectueuse courtoisie que Lord Gérald avait toujours témoignée à sa cousine, il était impossible de deviner si lui aussi penchait de ce côté, et sa mère elle-même ne connaissait pas mieux que le monde les véritables sentiments qui se cachaient sous le voile de réserve fière, et parfois même quelque peu ironique, dont s'enveloppait le jeune duc. Magali s'était assise un peu à l'écart dans le demi-cercle formé par le grand piano à queue. Elle travaillait à une broderie, ainsi qu'il convenait en son rôle de demoiselle de compagnie, mais elle jouissait en silence du superbe talent de la jeune comtesse Juliane, de celui de Lord Dorwilly, qui exécuta ensuite un morceau de violoncelle, accompagné par Lady Isabelle. De temps à autre, son regard se dirigeait involontairement vers Lord Lowthead, assis à quelques pas dans l'embrasure d'une fenêtre. Le duc avait dit vrai, la musique produisait un étrange effet sur le vieillard. Les lignes rigides de son visage s'amollissaient, ses yeux se fermaient complètement, sa physionomie exprimait une béatitude paisible, tandis que, la tête un peu penchée, l'oreille tendue, il écoutait sans un geste, sans un frémissement. Maximilien de Wolberg, Lady Doutil, plusieurs autres jeunes personnes s'étaient fait entendre et maintenant ont réclamé leur Gérald. Lady Isabelle s'écria vivement « Mais Gérald, si vous nous chantiez un duo avec Magali, ce doit être superbe d'entendre deux voix aussi belles !» Magali retint un mouvement de contrariété. De quoi allait s'imaginer cette tête folle d'Isabelle ? Vraiment, le duc de Saldiv se soucierait bien de chanter avec cette humble lectrice devant cet aristocratique public. Il allait éluder l'offre de sa sœur avec cette aisance polie, mais quelque peu hautaine, dont il avait le secret. Mais il jugeait peut-être difficile d'agir ainsi, car il répondit aussitôt, sans que sa physionomie trahît le moindre mécontentement. « Certainement, rien n'est plus facile si Miss Magali le veut bien. » Magali s'inclina en signe d'assentiment. Il lui était impossible de se dérober à ce qu'elle considérait comme un réel ennui. C'était en effet la première fois qu'elle allait se faire entendre en public. Jusqu'ici, elle n'avait eu occasion de chanter que devant quelques amis de la duchesse ou de Lady Isabelle. Le duc s'était levé, il rejoignit sa sœur près du casier à musique que Lady Isabelle explorait déjà. Il ouvrit un volume et se mit à le feuilleter attentivement. « Je suis dans la musique française par ici, Gérald. Cela vous convient-il ? Voilà Mireille. Oh, ce charmant duo de Magali, je l'entends toujours avec un si grand plaisir. Voulez-vous, Gérald ?»« Non, je préfère autre chose, » dit tranquillement le duc, en retenant d'un mouvement un peu nerveux le volume qui lui glissait des mains. « Voici notre affaire, je crois. » « Connaissez-vous ceci, Miss Magali ? » demanda-t-il en s'avançant vers la jeune fille et en lui présentant le volume ouvert. « Oui, je l'ai étudié l'année dernière, Milord. »« Mais c'est presque un morceau religieux, cela !» s'écria Lady Isabelle. « C'est le genre qui convient le mieux à la voix et au tempérament de Miss Dolté, » dit-il péremptoirement. « Si vous ne redoutez pas les difficultés de ce superbe morceau, Miss Magali, nous pourrons l'essayer. » Et Isabelle se convaincra bien vite que je ne me suis pas trompée. Parmi ces jeunes personnes et ces jeunes gens très mondains, il y avait relativement peu d'esprits sérieux, peu de cœurs accessibles aux fortes émotions. Certains étaient déjà blasés. Et cependant, un unanime frisson d'admiration les secoua tous aux accents de ces deux voix magnifiques qui se complétaient admirablement et où passait le même souffle d'âme, la même chaleur d'expression. Oui, c'était bien deux âmes qui parlaient dans un dialogue mystérieux, tour à tour mélancolique comme un crépuscule ou radieux comme une aube lumineuse. Elles montaient ensemble vers le ciel, elles y cherchaient leur bonheur idéalement pur et leur ravissement s'exhalait en phrases d'exquise douceur ou de reconnaissance passionnée. Les dernières notes, lancées par Lord Gérald, avaient un accent de si prenante émotion que tous les auditeurs tressaillirent et que Magali elle-même demeura immobile, toute saisie. « Vous nous faites frémir jusqu'au fond du cœur avec des voix pareilles !» s'écria Lord Orwilly, sans attendre que Julianne de Wolberg eût terminé l'accompagnement. Tous s'étaient levés, on arrivait aussi de la pièce voisine, on félicitait Magali, toute rose de confusion devant ce succès, et le duc, très calme à son ordinaire, avec cependant une sorte de petite flamme émue au fond des prunelles. Lady Ophélia, durant toute l'audition, n'avait pas quitté du regard, derrière l'abri de son éventail, son cousin et Magali. Lorsque le duo fut terminé, elle se leva comme les autres et se rapprocha de la jeune fille. « Voilà un succès, si je ne me trompe !» dit-elle d'un ton ironique. « Cela vous fait bien augurer de l'impression que vous produirez au théâtre, Magali !» « Comment Miss Dolté aurait-elle l'intention ?» s'écria Lady Dothil. « Mais aucunement, quelle idée avez-vous, Ophélia ?» dit Lady Isabelle avec vivacité. Lady Ophélia eut un sourire sarcastique. Bah, en voyant devant elle cet avenir ouvert, croyez-vous qu'elle aura le courage de résister? Tout au moins, les concerts lui offriraient une position plus lucrative que les leçons qu'elle prétend donner. Ce sera cependant ce dernier moyen que je choisirai, répliqua un peu froidement Magali, en dominant le froissement que lui causait cette sorte de discussion en présence d'étrangers. Évidemment, il ne peut être question d'autre chose, vous le savez fort bien, Ophélia, dit le duc d'un ton sec. Il s'était appuyé au piano, les bras croisés sur sa poitrine, et le regard qu'il dirigea vers sa cousine avait une certaine expression que connaissaient bien ceux qu'il avait vus irrités contre quelqu'un ou quelque chose. « Je craindrais seulement que la réussite ne soit pas très facile. »« Mais pourquoi donc, Gérald? Avec un pareil talent, on réussit toujours, » dit Juliane de Volberg, dont le regard sympathique enveloppait Magali. Il ne répondit pas et détourna les yeux de ceux, un peu surpris, que Magali levait involontairement sur lui. Mais Lady Dalkey, que ses 35 ans n'empêchaient pas d'être une enfant terrible, s'écria, en frappant sur l'épaule de Magali, « Ma chère petite, vous êtes beaucoup trop jolie pour faire un professeur. Toutes vos élèves seraient jalouses de vous avec cette beauté et cette allure royale. » La pauvre Magali devint pourpre. Elle voyait tous les regards fixés sur elle. Elle entendait les murmures qui semblaient approuver discrètement l'opinion exprimée à brûle-pourpoint par l'étourdie lady. « Juliane, voulez-vous que nous jouions cette sonate de Grieg qui fait le bonheur de ma mère ?» dit la voix brève de Lord Gérald. Ses sourcils étaient violemment froncés, le regard qui, une seconde, effleura Lady Dalkey, exprimait une irritation intense. Il se détourna pour prendre son violon et Magali, profitant de cette diversion, regagna sa place. Elle eut un léger tressaillement en apercevant Lord Lowood debout à quelques pas d'elle. La physionomie du vieillard exprimait un étrange mélange de colère et d'émotion, ses lèvres s'ouvraient et se refermaient, comme s'il ne pouvait se décider à parler. « Vous avez une bien belle voix, » dit-il enfin avec effort. « Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. J'aime extrêmement la musique, sous toutes ses formes, et je suis très difficile parce que connaisseur. Vous pouvez donc être assuré de ma sincérité, si je vous dis qu'aucune voix au monde, hormis une seule, n'a jamais produit sur moi une telle impression. » Et le bizarre vieillard, sans attendre une réplique de Magali, regagna son embrasure de fenêtre, où il se mit à écouter avec une attention ardente les phrases originales du maître norvégien, rendues avec un art exquis par le violon du duc de Saldif. Comme la sonate finissait, Mademoiselle Amélie, habillée pour sortir, parut au seuil d'une porte et fit un signe discret à Magali. Celle-ci se leva et s'approcha de Lady Isabelle qui se tenait près du piano. « Si vous n'avez plus besoin de moi, Isabelle, puis-je aller jusqu'à Cunningham avec Mademoiselle Amélie ?» demanda-t-elle à voix basse. « Certainement, ma chérie, mais ne pouvez-vous attendre le thé? Vous devez avoir besoin de prendre quelque chose après avoir si admirablement chanté. » « Ce serait charitable de votre part d'attendre un peu, Mademoiselle Amélie, » ajouta le duc en se tournant vers la vieille demoiselle. « Lorsqu'une artiste rend avec cette perfection une œuvre d'une aussi grande difficulté, et surtout fait à ce point passer son âme dans sa voix, il est à peu près impossible qu'il en aille ainsi sans une véritable fatigue. » Le compliment s'était fait attendre, mais il n'en arrivait pas moins, d'autant plus délicat qu'il était indirect, et exprimé avec une extrême discrétion, comme si Lord Gérald eût voulu ménager autant que possible la modestie de Magali, sans toutefois manquer à son devoir d'homme du monde, en omettant, seul de tous, de féliciter la jeune artiste. Décidément, tout conspirait aujourd'hui pour faire sortir de son ombre habituelle la pauvre fleur des bois, comme l'appelait parfois Lady Isabelle. Celle-ci se mit à rire en serrant gaiement la main de Magali qui avait un peu rougi. « Pour quelqu'un qui n'aime pas les compliments, vous en avez aujourd'hui, ma chère. Voilà ce que c'est que d'avoir des talents transcendants. Si vous ne jouissiez comme moi que de médiocres facultés, personne ne songerait à vous féliciter. » « Oh, Milady !» protesta avec chaleur Lord Orwilly. Demandez à Gérald, milord. Demandez à mademoiselle Amélie. Vous restez, n'est-ce pas, chère mademoiselle ? Oui, c'est cela, Gérald. » Le duc s'était avancé et approchait un fauteuil pour la vieille demoiselle. Puis il s'assit près d'elle et se mit à causer avec gaieté, tandis que Lady Isabelle et Magali servaient le thé. Il s'interrompit en voyant s'approcher Lord Lowood. « Où vous cachiez-vous donc, milord ? » demanda-t-il en avançant un siège au vieillard. « Avez-vous bien joui de la musique ? Vous empoignez votre auditoire, mon cher lord, en vérité. Ceci soit dit sans flatterie, car chacun sait que je ne suis pas fort en cette matière. Certains m'appellent ours mal léché, parce que je laisse trop bien voir mes sentiments défavorables. Aujourd'hui, tout était parfait. » « Comment avez-vous trouvé la voix de Miss Dolté ?» demanda le duc en étendant la main pour prendre une boisson glacée sur le plateau que lui présentait sa sœur. « Mais incomparable, comme tout le monde, » répondit le vieillard avec une sorte de contrainte. « Oui, l'admiration est unanime, » dit Lady Isabelle d'un ton satisfait. « J'ai cru que Lord Archibald allait se pâmer, la sensible Lady Dolké pleurait. » « Oh, Lady Dolké !» interrompit le duc avec un geste d'impatience. « Quelle sotte !» Sa sœur se mit à rire. Une autre femme que Magali aurait été secrètement ravie de ce compliment à brûle-pourpoint. Convenez-en, Gérald. Mais ma petite fleur des bois n'a pas la vanité ni l'aplomb nécessaire pour cela, et c'est bien sincèrement qu'elle a éprouvé une pénible confusion lorsque Lady Dolké, de sa voix de trompette, a ainsi attiré l'attention sur elle. Vous avez heureusement fait diversion, Gérald. C'était un devoir. La position dépendante de Miss Magali, son genre de caractère et d'habitude, demande de la part de ceux qui l'entourent une délicatesse de procédé inutile avec la plupart de nos jeunes modernes. Et sa main, d'un geste discret mais quelque peu dédaigneux, désignait le cercle brillant qui entourait Lady Ophélia. « Magali est une sensitive, » dit Mademoiselle Noué avec un coup d'œil d'affection ému vers la jeune fille qui évoluait là-bas, son plateau à la main. « Un lys incomparable, » murmura Lord Gérald d'un ton d'admiration contenue. Lord Lowood, dont le regard voilé se posait depuis un moment sur Freddy, assis à quelque distance près de Lord Dorwilly, se tourna tout à coup vers le duc. « Qu'est-ce donc au juste que ces deux jeunes gens, milord ? Ils ont été recueillis par la duchesse de Staldif, m'a-t-on dit ? Si vous désirez connaître cette triste histoire, milord, voici Mademoiselle Noué, qui pourra mieux que tout autre vous en donner tous les détails, puisque c'est à elle que ces enfants doivent d'avoir été connus de nous. » Lord Lowood écouta avec attention le récit fait d'une voix émue par Mademoiselle Amélie. Son froid visage eut une légère crispation lorsqu'elle parla de la jeune femme morte, si touchante dans sa beauté glacée. Mais ce ne fut qu'un éclair. Lord Lowood ne passait pas pour avoir le cœur très tendre. Ainsi, on a pu connaître le nom de cette personne, demanda-t-il tout en agitant la cuillère dans son thé. Non, milord, malgré tous nos efforts, nous ne savons que son prénom gravé sur son alliance, Ethel. Les Ethel ne manquent pas dans toute l'Angleterre, dit le vieillard d'un ton indifférent. Il est probable qu'il faudra renoncer à en savoir davantage si vous n'avez aucune piste. Et il se mit à boire lentement son thé, tout en regardant Freddy, très gai, très animé, là-bas, en grande conversation avec Lord Dewilly et le duc de Staldif, qui venaient de s'asseoir près de son ami Rupert.